Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. L'heure de la reddition des comptes approche inéluctablement pour les gens, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Islahul Umma, réformation de la communauté. En vérité, les cœurs se distraient du suivi de la vérité, ainsi que de la clairvoyance. Parfaitement, les cœurs se distraient de ce qui leur sera véritablement profitable le jour de la résurrection. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Donc le fait que les cœurs soient occupés dans des futilités et distraits de la vérité et de la tradition prophétique est un grand danger. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Donc l'insouciance quant à la vérité, est une affaire très sérieuse, des plus dangereuses. Réveille-toi donc et porte de l'attention au livre d'Allah, le Coran, ainsi qu'à la Sunna. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj au Yémen. Car le cœur, s'il se distrait de la vérité, ni nourriture, ni boisson ne seront en mesure de le rétablir sur la droiture, ni même une quelconque intelligence ou ingéniosité, car cette affaire revient exclusivement à Allah. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi. Donc réveille-toi maintenant et sois vigilant et profite et cherche toujours à être sur le vrai et en quête de la vérité. Sermon numéro 36. Vemul raflatil mohlika. Le blâme de l'insouciance qui conduit à la perdition. Oh, celui qui retourne les cœurs, maintiens nos cœurs sur ta religion. Notre Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est certes toi, le grand donateur. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui, et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé dans ce lettre Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. « Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, le plus véridique des récits est certes la parole d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son noble livre le Coran, « سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. J'écarterai de mes signes ceux qui se seront enflés d'orgueil sur terre injustement et sans raison. Ainsi, lorsqu'ils verront tous les signes et les miracles, ils n'y croiront pas. Et lorsqu'ils verront le chemin droit, ils ne l'emprunteront pas. Et lorsqu'ils verront le chemin de l'égarement, ils le suivront. Ceci parce qu'ils auront démenti nos signes et nos versets et qu'ils n'y prêtaient aucune attention. Allah nous a ainsi exposé à travers ce noble verset que les gens insouciants qui ont démenti les signes et les versets d'Allah et qui n'y prêtaient pas attention, que ceci fut la cause de leur démenti, ainsi que la déviance de leur cœur des versets d'Allah, du fait de méditer dessus, de croire en eux, de même que de leur mise en application, d'en tirer profit, quel que soit le commandement parmi les commandements de leur religion. Ils n'en ont ainsi tiré aucun avantage. Ceci, car ils se montraient indifférents face aux versets d'Allah, et qu'ils ne leur donnaient pas leur véritable importance, ainsi que l'attention qu'ils méritent en termes de science et d'enseignement, de même que de recherches scientifiques et d'études, et aussi en termes de pratiques, de réflexion et de suivi. Allah les a alors punis en détournant leur cœur. Et du même genre que ce verset, la parole du Seigneur Azza wa Jalla, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Puis lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, et Allah ne guide pas les gens pervers. Allah a ainsi su leur penchant pour l'égarement dans leur cœur. Allah a donc su l'éloignement de la vérité qui était dans leur cœur, de même que leur absence de volonté pour connaître la vérité. C'est ainsi qu'il dévia leur cœur, les recouvra et les scella pour finir culbutés, en conséquence de quoi ils ne reconnaissaient ni le bien ni ne blâmaient le mal. Et quel terrible malheur donc pour ces gens-là. Ces gens qui sont éprouvés par le renversement de leur cœur à cause des fitaines. Ces fitaines, ces troubles et ces désordres qui sont pour certains comme purificateurs pour leur cœur, tandis que pour d'autres, ils sont une rechute pour leur cœur. Et comment est étonnant la manière avec laquelle Allah Azza wa Jal purifie les cœurs et comment il distingue le vrai du faux. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Liyamiz Allahul khabitha min at-tayyib » afin qu'Allah distingue le mauvais du bon. Et dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les fitaines s'exposeront au cœur, comme le tapis de paille colle à la peau de celui qui s'allonge dessus, tige après tige. Tout cœur qui sera tombé dedans, un point noir lui sera alors inscrit dessus. Tandis que le cœur qui l'aura désapprouvé, un point blanc sera inscrit dessus. Jusqu'à ce que les cœurs soient de deux types, blanc de pureté, nulle fitna ne lui causera de préjudice. » Celui donc qu'Allah aura préservé des fitaines, en raison de sa condamnation des troubles et des désordres, il purifiera son cœur en profondeur et sa croyance, de même qu'il le purifiera des saletés, des calamités et des péchés en raison de cette bonne œuvre. En revanche, celui qui porte son regard sur les fitaines et s'y expose, et qui, à chaque fois qu'une fitna apparaît, il se précipite vers elle et s'y mise dedans, à la suite de quoi son cœur s'en imprègne, ce sera alors là la raison du renversement de son cœur et de son scellement, ainsi que la raison de son assombrissement et de l'extinction de sa lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jusqu'à ce que les cœurs soient de deux types, blanc de pureté, nulle fitna lui causera de dommages tant que perdureront les cieux et la terre, et l'autre noir, opaque, tel un épi renversé, en conséquence de quoi ce dernier ne reconnaîtra plus le bien, ni ne condamnera le mal, excepté ce qui satisfera ses passions. Que les gens prennent donc attention à leur cœur, et il est obligatoire à tout musulman, mieux encore à chaque être humain, qu'il prenne soin de son cœur, de peur qu'il ne tombe dans l'insouciance. Car les cœurs font preuve d'inattention face à la vérité. En vérité, les cœurs se distraient du suivi de la vérité, ainsi que de la clairvoyance. Parfaitement, les cœurs se distraient de ce qui leur sera véritablement profitable le jour de la résurrection. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité, excepté pour celui qui se présentera à Allah avec un cœur saint. Oh vous les gens, certes les fitaines qui se passent actuellement entre les gens, qui rongent leur rang, causant la dissociation et la désintégration entre eux, n'est due par Allah qu'à l'immersion des gens dans les désordres et les troubles, ainsi que l'accumulation des péchés, mais également en raison de l'insouciance des cœurs quant au suivi de la vérité. Car notre Seigneur, Jalla fi'ula, a certes dit dans son livre saint: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Recherche donc en toi-même. Ainsi, si tu viendrais à te rendre compte que tu as été troublé dans ton cœur, ton enfant, ton argent ou toute autre chose de ce bas monde, il sera alors nécessaire que tu te fasses tes propres reproches. Car il est possible que cela soit dû à des manquements religieux de ta part, ou pire encore, qu'il s'agisse d'un petit avant-goût du grand châtiment qui t'a été réservé dans l'au-delà, comme cela est le cas pour les hypocrites. Car les épreuves et les calamités relatives aux mécréants et aux hypocrites incroyants sont assurément insignifiantes comparées à celles qui leur ont été réservées dans l'au-delà, comme Allah Azza wa Jal a dit: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment dans l'au-delà, afin que peut-être ils reviennent sur le droit chemin. Et Allah subhanahu a dit: كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Tel fut leur châtiment, tandis que le châtiment de l'au-delà sera plus grand encore, si seulement ils savaient. Et Allah Jalla wa Ala a dit: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Un châtiment les atteindra dans la vie présente, mais le châtiment de l'au-delà sera cependant plus douloureux, et ils n'auront aucun protecteur contre Allah. Et Allah Jalla fi'ula a dit: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Et nul malheur ne vous atteint sans que cela soit dû à ce que vos mains ont accompli, et il, Allah, pardonne beaucoup. Et il a dit Jalla fi'ula: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc les épreuves de ce bas monde que subissent les mécréants et les hypocrites ne sont qu'un avant-goût insignifiant comparé à ce qui les attend dans l'au-delà. Si les cœurs venaient à être voilés, alors les fidèles apparaîtront et les afflictions empireront à cause de l'inattention des cœurs face à la vérité et son suivi. Allah tabarak ismuhu wa ta'ala jadduhu a dit: wa laqad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Nous avons certes dessiné beaucoup de djinns des créatures invisibles et d'êtres humains pour l'enfer. Ceux-ci ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, et même plus égarés encore. Voilà les vrais insouciants. Allah a ainsi abominé les mécréants, et il les a blâmés en raison de l'insouciance de leur cœur, allant même jusqu'à transformer certains d'entre eux en animaux, à cause de leur désobéissance, qui était le résultat de l'inattention de leur cœur. Allah, Rabbul Izza wal Jalal, a dit فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Nous leur dîmes alors, soyez des singes abjects. Il les a même maudits à cause de cela. Allah Ta'ala a dit لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Ceux qui mécrurent parmi les descendants d'Israël, le prophète Yaqub, Jacob, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, ont été maudits de la bouche de Daoud, David, et de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Ceux-ci, parce qu'ils ne cessaient de désobéir et de transgresser les lois divines, ils ne s'interdisaient pas les uns les autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme était mauvais certes ce qu'ils faisaient. Des désobéissances dues à la distraction de leur cœur, de l'invocation d'Allah, ainsi qu'au fait qu'Allah voile leur cœur, comme cela a été évoqué dans l'un des précédents versets. Les cœurs, s'ils se distraient de l'invocation d'Allah, s'endurcissent, et s'ils se distraient de la vérité, ils pourrissent. Également, s'ils se distraient du suivi, de la guidée, il leur arrive des choses dangereuses et préjudiciables, de même que des fitaines. Donc craignez Allah, serviteur d'Allah, en ce qui concerne le suivi et l'éveil des cœurs sur la vérité, car il s'agit là d'un grand danger pour le musulman. Et tout ce qui est arrivé aux communautés passées, comme cela fut précédemment cité, n'était-il pas dû à leur négligence concernant l'affaire de leur cœur, ainsi que celle du suivi de la vérité qui l'accompagne? Al-Irbad, radiyallahu anhu, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous exhorta un jour d'une exhortation éloquente qui fit frémir les cœurs et couler les larmes de nos yeux. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, il s'agit là d'une exhortation d'adieu. Que nous recommandes-tu donc? Il dit, je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que l'obéissance et la soumission envers celui qui vous gouvernera, quand bien même il s'agirait d'un esclave. Car celui parmi vous qui vivra assez longtemps verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous alors à ma sunna, la tradition prophétique, ainsi qu'à celle des califes bien guidés et inspirés. Cramponnez-vous-y avec vos molaires et prenez garde aux nouveautés concernant la religion. Il leur enseigna ainsi la solution de sortie après les avoir informés qu'il apparaîtra dans l'avenir de grands troubles et désordres, ainsi que des calamités qui s'accumuleront durant cette vie présente. Il leur indiqua donc cette immense issue à ces fitaines, à savoir le fait de s'accrocher à la tradition prophétique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle issue? L'inattention des cœurs quant au suivi de la vérité est assurément préjudiciable pour l'homme. Et Allah a certes blâmé les gens de l'insouciance. Allah tabaraka wa ta'ala a en effet dit اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. L'heure de la reddition des comptes approche inéluctablement pour les gens, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Le Seigneur Azza wa Jalla dit ensuite ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Aucun nouveau rappel et révélation ne leur vient de la part de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Ainsi, du fait que leur cœur soit distrait, ils ne prêtent aucune attention au Coran, ni ne s'intéressent à la Sunna, ni ne s'intéressent au rappel d'Allah. Les versets et les avertissements ne leur font aucun effet tant qu'ils resteront dans cet état. Allah subhanahu wa ta'ala a dit اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. L'heure de la reddition des comptes approche inéluctablement pour les gens, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Cela a engendré chez eux l'opposition. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ. Aucun nouveau rappel et révélation ne leur vient de la part de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Donc le fait que les cœurs soient occupés dans des futilités et distraits de la vérité et de la tradition prophétique est un grand danger. Et certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit avant de commencer la prière en commun: alignez vos rangs ou craignez qu'Allah ne fasse virevolter vos visages. Cela en raison de l'insouciance des prieurs quant au fait de bien aligner leurs rangs lors de la prière en commun. alors que cela n'était pas un acte volontaire de leur part, mais le fait qu'ils ne prêtaient pas attention à aligner correctement leur rang lors de la prière en commun, cela fut donc aussi une cause parmi celles qui font diverger les cœurs et les visages. Celui-ci regarde dans une direction, et celui-là dans une autre direction, tous regardant vers différentes directions, et également un tel dont le cœur est orienté de telle sorte qu'il ait une compréhension erronée et contraire à la vérité. Voilà comment Allah retourne vos visages. Ainsi, les désobéissances et la distraction des cœurs de la vérité, de même qu'à son suivi, sont assurément un terrible danger. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire un jour, il va y avoir un vent violent ce soir, que celui d'entre vous qui possède un chameau, qu'il l'attache bien, et que personne ne sorte. Un homme ne prêta que peu d'attention à cette interdiction et cet avertissement. Il fit alors preuve d'insouciance et oublia, en conséquence de quoi il se leva pendant la nuit et ne prêta point attention à cet ordre. Le vent l'emporta jusqu'à la montagne Taïyé. Son inattention concernant l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fut ainsi fatale. Et il dit un jour sallallahu alayhi wa sallam à un homme qui mangea chez lui avec sa main gauche, mange avec ta main droite. L'homme lui répondit, je ne peux pas. Alors que rien ne l'en empêchait réellement, si ce n'est l'orgueil, ne prêtant ainsi point attention au commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme si cet ordre émanait d'une personne quelconque parmi les gens de la masse. Et cet homme ne lui fit même pas face et ne lui donna point importance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit alors une invocation à son encontre en disant, que tu ne puisses plus. L'homme ne put ainsi plus lever sa main à sa bouche, car celle-ci fut endurcie et paralysée. Donc l'insouciance, quant à la vérité, est une affaire très sérieuse, des plus dangereuses. Réveille-toi donc et porte de l'attention au livre d'Allah, le Coran, ainsi qu'à la Sunna, que cela concerne leur mise en pratique, le fait de méditer dessus, ainsi que leur suivi. Également, sois éveillé et vigilant au sujet de leur apprentissage et du comportement adopté avec eux. Sinon, sache que l'inattention à leur égard est terrible de conséquences pour l'homme. Regarde ceux qui ont été distraits de la vérité et de ses adeptes parmi d'éminents savants qui finirent par ne plus se soucier de leurs agissements. Allah les fit ainsi chuter à cause de leur manque d'attention au sujet de la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi dit « Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont la foi que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui a été descendu et révélé comme vérité, et de ne point être pareil à ceux qui reçurent le livre avant eux, les juifs et les chrétiens? Ces derniers trouvèrent en effet le temps plutôt long, ce qui fit endurcir leur cœur, et nombre d'entre sont pervers. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Amma ba'd. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Il n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ceci étant dit. Ainsi, comme il a précédemment été dit, ses cœurs ont besoin qu'on y prenne soin et qu'on y prête attention par le biais de l'invocation d'Allah ainsi que l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Sinon, ils tombent dans l'insouciance, car viendra un jour durant lequel ils seront éveillés à l'extrême sans que cela ne puisse leur être profitable. Allah Azza wa Jal a dit: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. Et l'agonie de la mort vint accompagnée de la vérité. Il sera alors dit aux morts, voilà ce dont tu t'écartais. Et on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Chaque âme viendra alors accompagnée de deux anges, un qui le conduira jusqu'au grand rassemblement et un autre qui témoignera de ses œuvres. Il sera alors dit à la personne, tu étais certes resté indifférent à tout cela, Nous avons ainsi ôté le voile qui recouvrait tes sens, et aujourd'hui ta vue sera perçante. Car l'éveil n'est profitable que présentément, alors que tu te trouves toujours en vie. L'attention ne sert que maintenant, et qu'importe ton degré d'insouciance, sache qu'Allah, lui, n'est point insouciant. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Et ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes, il ne leur accorde en réalité qu'un répit jusqu'au jour où leurs regards se figeront. N'aie donc point de mauvaise pensée envers ton Seigneur, en pensant qu'Allah est inattentif à tes agissements, à ton cœur, ton activité et ta passivité, de nuit comme de jour, car Allah n'est certes pas inattentif. Et si tu viendrais à te trouver dans une situation d'aisance, dans cette dunya, cette vie présente, profite alors pleinement de ton temps, et sois très vigilant, en implorant en cela le secours d'Allah, tabarakasmuhu, concernant le suivi de la vérité, dans la parole et l'action, et aussi l'invocation d'Allah, jalla fi'ula. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui invoque son Seigneur, et celui qui ne l'invoque pas, sont-elles un mort et un vivant? Accepterais-tu donc, toi, d'être considéré comme quelqu'un de mort, alors que tu manges, tu bois et marches? Bien sûr que non. Par contre, tu acceptes d'être quelqu'un de distrait et d'inattentif au rappel d'Allah, au suivi de la vérité, ainsi qu'à la mise en application de son livre et la méditation du sens de ses versets, de même qu'à l'éveil de ton cœur. Shaitan, lui, agrée cela de toi. C'est pour cela qu'il est nécessaire à l'être humain qu'il se réveille dans cette vie présente. Allah Jalla Jalaluhu a dit: wa ja'at sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid, wa nufikha fis sur, dhalika yawmul wa'id, wa ja'at كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Et l'agonie de la mort vint accompagnée de la vérité. Il sera dit alors aux morts: voilà ce dont tu t'écartais. Et on soufflera dans la trompe: voilà le jour de la menace. Chacun viendra alors accompagné de deux anges, un qui le conduira jusqu'au grand rassemblement, et un autre qui témoignera de ses œuvres. Il sera alors dit à la personne: tu étais certes resté indifférent à tout cela. Nous avons ainsi ôté le voile qui recouvrait tes sens, et aujourd'hui ta vue sera perçante. L'éveil ne lui sera d'aucune utilité là-bas. Donc réveille-toi maintenant et sois vigilant et profite et cherche toujours à être sur le vrai et en quête de la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait jadis: il arrive parfois que mon cœur soit enveloppé de ressentiments. J'invoque alors Allah, à la suite de quoi ces ressentiments disparaissent. Il se peut ainsi que le cœur soit pris d'émotion, ou qu'il soit pris d'inattention ou d'éraillement. Mais lorsque l'individu se rappelle son Seigneur et l'invoque en ayant peur de lui et en étant craintif envers lui, en méditant sur son livre et en revenant vers lui repentant de cette façon avec la parole, en le glorifiant, en le louant et en proclamant sa grandeur et son unicité, ainsi qu'à travers la récitation du Coran et en adoptant un bon comportement avec la vérité, à ce moment le cœur se réveille et se vide de tous ses ressentiments et mauvaises émotions. Et si ces choses arrivaient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc autre que lui, est plus en droit que cela lui arrive. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam: oh, celui qui retourne les cœurs, maintient mon cœur sur ta religion. Il demandait ainsi à Allah, azza wa jalla, qu'il maintienne son cœur sur sa religion. Et la religion d'Allah englobe tout ce que l'homme avance pour Allah, subhanahu wa ta'ala, comme suivi de la vérité et éloignement des péchés. Serviteur d'Allah, et parmi ces invocations, il y a: Seigneur, soutiens-moi et ne soutiens personne contre moi, et secours-moi et ne secours personne contre moi, et ruse en ma faveur et ne ruse pas à mon encontre, et assiste-moi face à quiconque cherchera à me faire du tort. Seigneur, fais de moi quelqu'un de reconnaissant et gratifiant envers toi, et quelqu'un qui t'invoque beaucoup, et quelqu'un qui te craigne beaucoup, et quelqu'un qui soit craintif envers toi. Je te suis certes obéissant, et je fais certes preuve de piété envers toi avec modestie. Seigneur, accepte mon repentir et lave-moi de mes péchés, et exauce mon invocation, et guide mon cœur, et raffermis ma langue dans mes paroles, et maintiens mon argumentation, et enlève de mon cœur toute rancune et jalousie. Ceci fait partie des invocations des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont authentiquement été établies, d'après lui, dans les recueils de récits avérés, recherchant par leur biais à prendre soin de son cœur, dans ses prosternations, de nuit comme de jour, ainsi que dans tous ses faits et gestes. Car le cœur, s'il se distrait de la vérité, ni nourriture, ni boisson ne seront en mesure de le rétablir sur la droiture, ni même une quelconque intelligence ou ingéniosité, car cette affaire revient exclusivement à Allah, tabarakasmuhu. S'il décide de le ressaisir, désir, il le ressaisit. Et s'il décide de le dévier, il le dévie. Oh, celui qui retourne les cœurs, maintiens nos cœurs sur ta religion. Notre Seigneur, ne dévie pas nos cœurs, après que tu nous as guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est certes toi, le grand donateur. Walhamdulillahi, Rabbil Alameen.